partir à ses parents, lui offrir une bague de fiançailles. Acheter une robe de mariée, fixer une date en mairie sans intention. C'est trop. Ou mentir, faire leurs promesses et ou disparaître. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Pas la gueule, femme. Courage, femme. Pas désespoir. Respectez ces femmes-là.